toutes les personnes que je vois dans la rue, dans les cafés, les lycées, sont le plus souvent ensemble. Ils se regardent, ils s'enlacent, ils s'assemblent. Soit ils nagent dans un océan de bonheur, soit ils font des gosses qui pleurent, qui geignent, vraiment des petites teignes. Des petites teignes. Alors ces gens qui font des enfants, je me pose la question, s'aiment-ils vraiment? Au fond, ils savent que pour le sexe, les cheveux mouillés sur l'oreiller, tout doré. Oh, et je me pose cette question qui est tabou, certes, mais bien réelle. Ont-ils ressenti un coup de foudre? Un vrai qui déchire bien la tête, tout englué de parfumerie, de bijoutier, quand ils se sont rencontrés. Ça, c'est les gens que je vois tous les jours qui se massent mutuellement. Mutuellement. Alors qu'on en a rien à foutre, qu'on est triste et énervé, car en tout cas, moi c'est mon cas, j'ai pas encore réussi à dire. Oui, à te dire, toi qui fuis un foudroyé. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, à te dire, toi qui fuis un foudroyé. Je t'aime.